personne au front ni à l'arrière. Tous à mes côtés, MC sans grade. Là encore on vient jeter des grenades pour ôter. Sourire aux grandes langues de pute. Garçon, à force de parler de nous, t'augmente notre répute. Désormais la vérité a un nom. Et sur ce morceau, oui t'en es le nombre. Personne n'est le nombril du monde. Et encore moins et nombre d'une autre personne. Faut que notre nom fasse réfléchir, pas comme les conneries dans un sitcom. C'est sur le champ de bataille qu'on fait ses preuves. Qu'on soit black, blanc, peur, on a la même bataille. On veut ses rêves, on reste fort unis. Pour voir le coup, on reste debout. On veut le tout, sachant qu'on l'aura pas d'un coup. Un gramme sur le pitch, crame les gros de la qualité. De là où j'habite, P5, sorti de la chingue, de la faune. Foncime, pour perdre lourd, défoncé, j'ai des tas de rimes, crimes. Dans ma tête, peu de vrais, beaucoup de faux sur le terrain. Les beaux jours, on en crève d'envie, car toujours sur nos vies. Trop souvent nous envie, prends le dessus, tu suis. Je lâche mes nerfs à vide, car vite par vie, on vit sans vivre nos vies. On survit. Ghetto prodige. On se dit bon sang, faut que tu piges. C'est la réalité qui nous oblige. On vient de l'oublier. Un regard qui traverse dans ta face. Dehors, on est tous fâchés, mon trou, on va pas se lâcher. Ghetto prodige, à nouveau place, à posticher. Qu'est-ce qu'on dit, nos vies sont tendues, plus on la sagesse de Gandhi. C'est notre étendard qu'on grandit, petit à petit, notre force a grandi. Dehors, on est tous fâchés, mon trou, on va pas se clasher. Ghetto prodige, à nouveau place, à posticher. Qu'est-ce qu'on dit, nos vies sont tendues, plus on la sagesse de Gandhi. C'est notre étendard qu'on grandit, petit à petit, notre force a grandi. La jeunesse se représente, 2002, pas celle des années 30. On arrive forte, montrer qu'on a fait rien dans le ventre. On vient monter la côte des jeunes de notre âge. Faut pas tomber dans le piège, là où l'état te mettra en cage. Laisse-moi leur dire qu'il n'y a plus le temps de rigoler. Que les faux MC à la radio arrêtent de michetonner. Je sais pas d'où ils débarquent, mais ces bazars ne me représentent pas. J'ai pris le micro en 92, à ton avis c'était pourquoi? Les initiales, inscrit profond dans ton trou de balle. Jusqu'à ton cercueil, sorti de la chienne, de la faune. Spécimen rare, dangereux, dans l'hexagone, sans pare-balles. Traîne tard le soir jusqu'à l'aube. Je reste de spi comme un dealer à l'affût, gentil Esteban. Activiste, récidiviste, je laisse des traces comme un coup de chat, je crache. Ma rancœur envers ce système, sur n'importe quel centre, n'importe quel thème. Je blesse sans armes et insulte, l'équipe sculpte avec le temps. Avec le temps on s'applique, on s'explique, on s'implique. Représente, tu critiques, j'abdique, j'ai le mic, t'as le fric, t'as le fric. Dehors on est tous fâchés, mon trou, on va pas se lâcher. Prodige à nouveau place à posticher. Qu'est-ce qu'on dit, nos vies sont tendues, plus on a sagesse de Gandhi. C'est notre étendard qu'on grandit, petit à petit notre force a grandi. Dehors on est tous fâchés, montre nous on va pas se clasher. Ghetto prodige à nouveau place à posticher. Qu'est-ce qu'on dit, nos vies sont tendues, plus on a sagesse de Gandhi. C'est notre étendard qu'on grandit, petit à petit notre force a grandi. 2x4, un flot de guerre, tu peux pas lutter contre. Ghetto prodige en nombre, en profondeur et nombre les ondes. 93 large, comme les états. Enlève ta tenue et ramène 2-3 podcasts. Fixé sur le beat comme sur le bitume. Comme si me fixé sur ma bite et moi sur leur thune. Hardcore et une légende comme Limer. Les fils je les connais par cœur. Fil conducteur je le perds parfois aux heures. Où je suis foncé comme Carter. Je veux pas finir comme un cutter. Péri sur le trottoir. Je me creuse la tête, moi je pense à plus tard. Je compte finir vainqueur dans mes conquêtes. Tout faire en cœur ainsi qu'en sorte d'être un auteur hors pair. Impuissant comme un juge en Sicile. Impuissant comme la plupart des refs de ma ville. Refrain, je peux pas cesser de rapper. Car c'est ce monde qui m'inspire. Et ce monde n'est pas prêt de changer. Dieu est mon seul chef. Je vais montrer qu'avant que ma vie ne s'achève, je tiens compte que chacun de mes textes peut être le dernier. Je vais manier le chapelet. J'ai pris un mic pour réciter mes couplets. Mon cas est grave. Dehors on est tous fâchés. Mon trou, on va pas se lâcher. Ghetto prodige à nouveau place à posticher. Qu'est-ce qu'on dit, nos vies sont tendues. Plus on a sagesse de Gandhi. C'est notre étendard qu'on grandit. Petit à petit, notre force a grandi. Dehors on est tous fâchés. Mon trou, on va pas se lâcher. Ghetto prodige à nouveau place à posticher. Qu'est-ce qu'on dit, nos vies sont tendues. Plus on a sagesse de Gandhi. C'est notre étendard qu'on grandit. Petit à petit, notre force a grandi. Bienvenue chez moi. Là où t'as un flash et on s'en contente. Délinquant, juvénile en progression constante. La nuit, les étoiles s'illuminent dans le ciel. Un jour elles s'éteignent, la vie après la mort, mec, est éternelle. Vaut mieux que tu le saches avant de tout mettre dans le cache. Que la vie cache des bons, des mauvais et même des lâches. La vie pour moi se répète comme un refrain. Bienvenue chez moi où c'est la loi de l'homme qu'on enfreint. La rue forme ses hommes, la rue forge leur caractère. Dans la rue ça part en bouillie.